Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le voyage arrive à son terme. Veuillez accrocher vos ceintures, nous allons bientôt émerger. La société Cicété Prod espère que vous avez effectué un agréable voyage à bord du submersible Étienne plus A. Nous espérons vous revoir très bientôt. Merci et bonne journée.